fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain, put my fire out. Spinny hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. L'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Allez, c'est parti, il est bientôt 17h, c'est que du fun jusqu'à 20h. On est en direct et avec moi pour m'accompagner, il y a l'homme qui a changé de coiffure. Ben, ça se voit pas avec la casquette, mais c'est Kaufman. Salut Kaufman. Ah ouais, je suis passé chez ma coiffeuse. Elle me dit, il y a beaucoup à couper. Non, c'est pas possible ça. Je lui dis, mais vous avez bu, mademoiselle. C'est impossible, t'as plus de cheveux quoi. Et non, elle me dit justement que je regarde mon front. Tu vois, quand je me regarde dans la glace, je baisse la tête. Ce qui fait que je ne vois que mon front. Et okay. Je lui dis qu'à la radio, on m'appelle Grand Front. Elle m'a dit, mais non. Mais je pense qu'elle veut que je revienne en fait. C'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Je crois aussi. Il y a également Laurence qui est avec nous. Ça va, Laurence? Ça va bien et toi? Oui, je suis en pleine forme. T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Alors, j'ai fait quoi de beau? Rien de spécial. Toujours rien. Hein. Non, je fais rien de mes journées en fait. Je glande. Tu t'ennuies. T'es une femme ennuyeuse, c'est bien ça. Ouais. Dans quelques minutes, tu auras Sarah Salov Kaufman. Tu as levé sur quoi, toi? Bah, je vais vous prouver que l'adage qui vole un œuf vole un bœuf n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Très bien. Laurence, tu as râlé? Bah, sur une youtubeuse qui a pété les plombs vraiment et j'aime pas ça. Ok, le fun game Kaufman? Oui, on parlera de la NX pour commencer en entrée, comme ça, tranquille, détendu. On vous en dira plus sur cette nouvelle console. Sympa comme entrée. Il y a également le fun beauty, Laurence. Ouais, un produit high-tech qui va remplacer votre dermato. Très bien. Il y en a encore des places pour aller faire du wave karting. Du wave karting, c'est quoi, Kaufman? Bah, c'est prendre la mer avec un scooter bateau des mers, le tout avec les animateurs de Fun Radio, d'autres auditeurs. On a encore plein de places à vous filer d'ici 20h. Vous pouvez commencer déjà à jouer. Vous envoyez mer, M-E-R, au 6322 pour 1€ le message. Et puis, qui ne tente rien n'a rien. Comme effectivement, vous envoyez mer, M-E-R, au 6322. On a 4 places à vous offrir, 2x2. Donc allez-y, envoyez mer, M-E-R, au 6322. Là, il est 17h, c'est l'heure des infos avec Carlo. Il est tout prêt, il est tout chaud, c'est bon. Fun Radio. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. L'eau et le feu à l'œuvre aux États-Unis, sûrement de quoi inciter pas mal de gens dans ce pays très religieux à parler de châtiment divin. L'eau, c'est celle qui recouvre une partie de la Louisiane suite à des pluies torrentielles. Les images prises depuis un hélico montrent des zones entières du côté de la capitale Baton Rouge submergées par les eaux, des routes, des forêts, des zones résidentielles recouvertes de boue. Plus de 30 000 personnes ont dû être secourues et 7 personnes ont trouvé la mort dans cette énième catastrophe naturelle, de quoi bien sûr raviver le souvenir de l'ouragan Katrina en 2005. Et puis en Californie, là c'est un souvenir plus récent qui vient à l'esprit de la population, celui des terribles incendies de l'an dernier. Au nord de San Francisco, les flammes terrorisent à nouveau les gens, détruisant une centaine de bâtiments et forçant 4000 personnes à s'enfuir. Les températures élevées qui se prolongent en Californie et la sécheresse historique qui frappe l'État depuis très longtemps créent un environnement idéal pour de tels incendies. Des bombardements aériens ont frappé un hôpital, non pas en Syrie pour changer, mais au Yémen, où une guerre civile sévit également depuis 2014 entre les autorités au pouvoir et les rebelles chiites soutenus par l'Iran, qui se sont emparés d'une bonne portion de territoire, et notamment de la capitale Sanaa. Les bombardements de ce matin sont l'œuvre de la coalition arabe alliée du pouvoir avec à sa tête l'Arabie Saoudite. Et ils ont donc touché un hôpital faisant 11 morts, dont un membre de Médecins Sans Frontières. Avant-hier déjà, de telles frappes avaient provoqué la mort de 10 enfants. Pour Amnesty International, cibler volontairement des installations médicales est très clairement un crime de guerre. A noter enfin que Daesh a bien évidemment profité du chaos qui règne au Yémen depuis des années pour s'y implanter également et y commettre de nombreux attentats. Les islamistes ont aussi pris le contrôle d'une ville au début de l'année. En principe, les messages à caractère politique sont interdits aux Jeux Olympiques. car contraire à la charte olympique, ce qu'ignorait peut-être cette jeune femme, qui au cours d'un match de volley entre la Russie et l'Iran a brandi une pancarte défendant le droit des Iraniennes à entrer dans les stades. C'est que pour les femmes en Iran, faire du sport est déjà très compliqué, mais alors assister à une compétition sportive, c'est, je dirais pas la croix et la bannière, parce que le mot croix convient assez mal à un régime islamiste, disons donc que c'est vraiment très très compliqué. Bon, on pourrait dire que l'Iran se conforme ainsi à la tradition olympique antique, hein, puisqu'à l'époque des Grecs et des Romains, les femmes ne pouvaient pas assister aux JO et risquaient même la mort en cas de violation de cette règle, comme quoi la Grèce, berceau de la démocratie, d'accord, mais pas vraiment de l'égalité entre les sexes. Hein. Fun. Fun Radio. Avant le Saral Salov, on fait un point sur la météo. Il fait beau, il fait chaud, on a sorti les shorts. On va continuer, Carlo. Et demain, il fera encore un petit peu plus chaud. Bon, une journée parfaite, idéale, avant le retour d'un temps déjà un peu plus coussi coussa, mais on aura bien le temps d'en reparler. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je laisse en compagnie de David et du son de Justin Timberlake. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Yeah. On poursuit le son dance floor avec David Guetta. C'est le moment de râler et de lover. On commence par Kaufman qui a lové. Ah oui, moi je suis un grand lover aujourd'hui puisque je vais vous démontrer que l'adage qui vole un œuf vole un bœuf n'a jamais été aussi vrai. Je vais vous parler de cet homme qui s'appelle John Katsimatidis. Ah oui, carrément. Oui, qui est propriétaire de la chaîne d'épicerie Gristedes aux États-Unis. Ok. Eh bien, ce monsieur écrit sur Twitter que les voleurs de crème glacée font des ravages dans les supermarchés de New York, reprenant ainsi le titre d'un article paru déjà dans le New York Post, donc un journal assez connu. Et le monsieur a proposé 5 000 $ à quiconque dénoncerait ces voleurs de crème glacée. Il faut dire que la police new-yorkaise a confirmé la tendance avec 250 plaintes enregistrées concernant ces vols ainsi que 130 arrestations en 2016 pour de la crème glacée. Alors, 5 000 $ si on dénonce un petit peu, quoi. Voilà, d'ailleurs, montre-moi ce que t'as dans les poches. Ça va me rapporter de l'argent. J'ai que des clés, putain. T'as pas de chance avec des clés, regarde. C'est mort. Laurence, toi, tu as râlé. Ouais, j'ai râlé sur Marina Joyce. C'est une youtubeuse, en fait, donc comme plein de filles, à une chaîne YouTube. Mais depuis fin juillet, elle postait, en fait, des vidéos bizarres et des messages assez bizarres. Et donc, du coup, ses fans, ils ont cru à un enlèvement carrément. Ils ont pensé qu'elle s'était fait enlever par des ovnis ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, ils ont sorti le hashtag Save Marina Joyce. Donc, sauver Marina Joyce. Et donc, du coup, au final, on l'a retrouvée saine et sauve, elle va bien. Mais le 7 août dernier, elle a posté un long message sur Facebook pour dire qu'elle voulait devenir un peu comme un dieu Bouddha et qu'on devait l'appeler désormais Marina la déesse et qu'on devait même lui verser de l'argent. Elle a pété un câble, elle. Ouais, elle a complètement pété un câble. Ouais. Verser de l'argent pour construire un temple au Pérou. Ah, un temple au Pérou, voilà, ouais, sympa ça. Kaufman, on fait pareil. Encore une qui a commencé à prendre du crack. Un peu, ouais. Un petit peu. Pour la suite, ça se passe avec le combien ça coûte. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, Kaufman. Goodies, jeux vidéo, ainsi que plein de chouettes trucs. On vous régale en ce mardi. Ça se passe juste après David Guetta. This one for you. Sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. C'est sur Fun Radio que ça se passe. This is fun. Fun Radio. Shimmy shimmy y'all, shimmy yam, shimmy yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Darling. What you think? Uh-huh. It's a rumor. I'm really out of this world. Moon, Luna. Make women comfortable. Call me Bloomer. Can't even show love 'cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah. Have a blessed day. So ahead of myself. Every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of holy. It's your open sesame. Now dance. Le soleil est là, on en profite sur Fun Radio avec le son de Deoro. C'est l'heure du combien ça coûte, le principe est simple, j'ai un prix en tête et au 63, 22, 1 euro par message, vous devinez à quoi il correspond pour gagner des jeux vidéo, des goodies fun, des packs collector qu'on a gardé toute cette semaine pour vous. Le prix du jour, 59 euros. À quoi ça correspond? Si vous avez une idée, vous l'envoyez au 63, 22. Laurence et Kaufmann vont poser des questions pour vous aider. On commence par une question, Laurence. Alors, j'en doute, parce que t'en as beaucoup fait cette semaine, est-ce que c'est un accessoire de mode? Non, ce n'est pas un accessoire de mode. Objet professionnel. Oui et non. Est-ce que ça s'achète dans un supermarché? Dans un supermarché, non. Mais quand tu me dis oui et non, ça peut servir aussi au divertissement, quoi. Ça peut servir au divertissement, ça peut servir chez soi, mais ça peut servir à des pros aussi. D'accord. Est-ce que c'est petit? C'est petit, non. Est-ce que les grands comme les petits peuvent l'utiliser? Bah, plus les grands, hein. Un tout petit ne jouera pas avec. Est-ce que c'est un mobilier? Un mobilier? Oui. Non. Est-ce que ça s'emporte avec soi? Oui, ça peut s'emporter avec soi. Est-ce que ça a une forme genre rond ou... Tu peux me dire la forme, s'il te plaît? Ah, c'est compliqué la forme. C'est une forme particulière, ça c'est sûr. Ouais. Mais je peux pas dire la forme. Oh. Est-ce que on est dans le domaine artistique? Oui. Est-ce que ça se porte sur soi? Ça se porte sur soi, oui. Est-ce que ça produit... c'est un objet électronique? Électronique? Ouais. Non. Il peut l'être, mais là... Oui et non. Ouais. C'est compliqué la question, oui et non. Est-ce que ça fait du bruit? Ça fait du bruit, oui. Ça fait du bruit. C'est pas électronique. Les grands comme les petits peuvent s'en servir. On peut la transporter avec soi. On peut l'utiliser au niveau professionnel et au niveau du divertissement. Ouais, si vous avez une idée, allez-y. Au 63-22, on a plein de cadeaux à vous faire gagner. Est-ce que ça, on peut le faire en soirée? On peut le faire en soirée? Ouais, on peut utiliser l'objet en soirée. Oui. Est-ce que faut avoir un talent particulier pour l'utiliser? Oui. Est-ce que ça a rapport avec la musique? Oui. J'adore ça. Oui. Est-ce qu'il faut prendre des cours des fois? Il faut prendre des cours, oui. Est-ce que c'est un instrument de musique? Exactement, Kaufman. Ah. Bien joué, l'ami. On continue. On nous dit un drone au 63-22. Non, ce n'est pas un drone. On est loin de ça. C'est un instrument de musique. Allez-y. Si vous avez la bonne réponse au 63-22, plein de cadeaux à vous faire gagner. C'est la dernière semaine de ce qui est du fun. Donc, Kaufman, il a ramené tous les cadeaux. Hein. Ouais, j'ai fait un vide-grenier, comme on dit ça. Parfait. Une question, Laurence. Est-ce que ça se porte autour du cou? Autour du cou? Bah, tu. Ouais, on peut. Non, on peut, mais oui, on peut. Est-ce que c'est un instrument à cordes? Oui. Est-ce que en concert, il y en a? En concert, il y en a, oui, effectivement. On me dit un piano au 63-22. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Une flûte? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Une batterie? Non plus. Allez-y si vous avez la bonne réponse au 63-22. Kaufman. Est-ce que l'instrument peut être électrique? Électrique, il peut être électrique. Donc, pas électronique, mais bien ouais, électrique. Ouais, électrique, ouais. Effectivement. J'ai une proposition. Dis-moi. C'est un ukulélé. Un ukulélé? Ouais. Non, c'est pas un ukulélé. Hein. Non. Non, c'est pas ça du tout. Est-ce que tous les groupes de rock en ont un? Oui, effectivement. Je peux vous donner un indice, il y a des cordes. Ouais, mais je l'ai déjà dit ça. Ah mince. Merci de l'avoir dit. C'est sympa. Est-ce que vous avez trouvé au pas autour de la table? Moi, Kaufman. Oui. Laurent, c'est bon, Kaufman? Moi, je pense que j'ai trouvé. Si tu me dis qu'il peut y avoir une électrique et une normale. Ok, ça commence par quelle lettre, Kaufman? Par un G. Par un G, ok. Effectivement, si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63-22. Je prends un gagnant juste après Deoro sur Fun Radio. Ça fait 2 mois qu'on ne les a plus vus. Ils seront de retour le 22 août. Enfin, s'ils se souviennent de l'adresse de la radio. Allez, tourne à gauche, Fab. Fab, à gauche, Fab. Ah, ou en fait, fallait peut-être aller à droite. La Happy Hour sur Fun Radio. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. L'auto présente le mois de Warwood. Semaine 3, une copie conforme du scénario de la semaine 2. Avec chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Waouh! Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. The best radio. My station. Fun radio. Find table space to say your social graces. Bow your head, they're pious here. But you and I, we're pioneers. We make our own rules, our own room. No bias here. Let them sell what they are selling. There's no bias here. So gather all the rebels now. We'll rebel rouse and sing aloud. We don't care what they say. No way, no way. And we will leave the empty chairs to those who say we can't sit there. We'll find all by ourselves. So get it mixed up, it's been my story, it's never switched up, and I never kissed up, so f*** the world, and I got my so,

a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes. Dans un instant, c'est Axwell Ingrosso sur Fun Radio. Il y aura aussi le Fun Game avec Kaufman, on va parler. Oui, on parlera de la confirmation pour la NX. Certains brevets ont été déposés, on vous en parle dans quelques minutes. Là, c'est le Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et le mardi, Kaufman, c'est... technologique. Oh, bien exactement, joué. Bon élève. Hein. Je pensais qu'il allait dire ravioli, non, tu vois, il pense toujours à bouffer celui-ci. Donc technologie aujourd'hui. Ouais, les gars, vous faites quoi quand vous avez un problème dermato? Dermato? Ouais. Moi, je ne fais rien personnellement, mais ça se voit. Je prends la neige de carbone, moi. Neige de carbone. Ok. Bah pour ceux qui courent chez le dermato en pleurant ou qui vont appeler leur femme à l'aide, ben c'est fini aussi. Hein. Là maintenant, on prend son téléphone, on ouvre une appli, on prend le petit appareil au cou et c'est bon. On alors, se fait explique-moi là. Ouais, je vais t'expliquer. Parce que là, c'est bizarre comme truc, hein. Tu trouves? Ouais, très bizarre. Je vais t'expliquer d'être plus simple. Donc, ça s'appelle Oku, et en fait, c'est un nouveau coach pour la peau. Ok. Oku, c'est quoi? C'est un petit appareil qui a une forme en fait de GoPro. Très bien. Qui, voilà. Ouais. Et donc, du coup, tu le passes sur ta peau. Ouais. Et il va te faire un check-up complet de ce qui se passe au niveau de ta peau. Comment ta peau réagit? Qu'est-ce qui se passe? T'as des boutons? Pourquoi? Comment faire? Et il te dit tout en fait, tout simplement. Okay. Et donc du coup, bah, ça sert à faire des check-up. Par exemple, t'as un bouton sur le front, tu veux savoir le pourquoi du comment, comment l'enlever et tout. Il va te dire tout ce qu'il faut faire de A à Z. Donc on passe la machine sur le bouton, c'est bien ça? Exactement. Il est relié à notre smartphone. Exactement. On passe l'application et on sait tout, c'est ça? Exactement. Okay. Ouais, donc c'est fini en fait d'acheter des crèmes, de lotion et de se soigner comme ça à l'aveugle. Maintenant avec Oku, vraiment de A à Z, tu sais comment faire et tu sais le pourquoi du comment. Il va même te donner en fait des petites astuces pour des bonnes routines quotidien avec ta peau, parce qu'en fait il va analyser ta peau, comment elle a fait, si elle est mixte, si elle est grasse. Il va vraiment tout te dire, ta peau n'aura plus aucun secret pour toi. Bon, dit comme ça, ça paraît vraiment hyper bien, hyper utopique et tout. Perso, moi j'attends quand même de voir les tests pour me faire ma propre opinion. Ok. Surtout qu'il est disponible que en précommande au prix de 227 euros, donc ah oui, quand même. Quand et puis t'imagines, tu y a ta femme qui te demande ce que tu fais le soir, qu'est-ce que tu fais chérie? Bah je me mets au cou. Je me mets au cou, tu vois. Je suis en train de faire au cou, attends. Au cou. Mais tu magnifique. Peux pas le mettre sur le bras? Non au cou. Ouais, c'est magnifique pour la suite. Le Fun Game Kaufman est aussi déplace pour aller faire du wave karting. Oui, on vous parlera de la Nintendo NX. Et puis si vous avez envie de jouer avec nous, c'est MER qu'il faut envoyer au 6322 pour 1€ le message. On développe tout ça juste après Axwell Ingrosso. On est en direct sur Fun Radio. Think about love, think about hate, think about getting fame, why I'm always late. Think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool stereo, and I'm sitting in traffic, wishing it would move, should be thinking about job, but I'm thinking about you. Thinking about you now. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total utter bliss. total lots of bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met, swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex, think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss, feeling like a kid again. Total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss, total lots of bliss. Like a kid again, total lots of bliss. La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Jonas Blue. Baby, we don't need no reason why. Dans moins d'une heure, je vous fais gagner deux places pour aller faire du wave karting. C'est une activité unique qu'on vous propose de gagner toute cette semaine. Si vous êtes à la recherche de sensations ou de vues imprenables, c'est vraiment pour vous. Vous montez à bord d'un engin qui entre le bateau et le jet ski. On l'a fait autour de la table. Laurence l'a fait, Kaufman l'a fait. Moi, j'ai testé. Plus ou moins. J'ai fait autre chose. Vous avez ressenti quoi quand vous étiez sur le bateau, Laurence, par exemple? Alors moi, une grande liberté. Ouais. J'ai l'impression d'être, d'avoir été la princesse des mers ou je sais pas quoi, un truc trop bizarre comme ça. Ouais, c'était une impression ça pour la princesse. Ouais. Hein, ouais. Ok. Bon. Mais c'était vraiment génial. Et toi, Kaufman, t'as ressenti quoi? Ah moi, j'ai ressenti de la joie en te voyant presque vomir, comme je le disais. Mais mis à part ça, c'est un sport unique. C'est pas un sport d'extrême, mais ça s'en rapproche. Ouais. Avant de monter sur l'embarcation, vous avez un petit briefing histoire que vous sachiez exactement quoi faire, dans quel cas le faire. C'est vraiment, j'avais envie de dire surfer sur la mer, sauf que c'est pas un surf, c'est un karting des mers. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est un karting des mers? C'est pas un scooter des mers, c'est pas un karting totalement, c'est un hybride. Vous mélangez le deux et vous aurez, la solution. Ce qu'on vous propose, c'est très simple, c'est d'aller à Zeebruges, le tester vous-même, vous faire votre avis. C'est, on a deux invitations là bientôt à vous filer. C'est franchement une journée inoubliable qu'on vous offre là avec les animateurs de Fun Radio, d'autres auditeurs. Allez tester le wave karting, croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. C'est garanti sur facture. Si vous aimez pas, je vous rembourse le cadeau que vous n'avez pas payé. C'est vrai, c'est vraiment incroyable comme sensation. En plus, il y a aucun risque, Kaufman. Ah oui, oui. On peut pas se tuer, on peut pas se blesser. Ça peut faire peur comme ça d'aller sur la mer avec les vagues et tout ça, mais non, il y a vraiment aucun risque. Allez-y, vous envoyez MER MER au 6322, c'est 1€ par message, et dans moins d'une heure il y a déjà un gagnant pour aller là-bas et gagner deux places. Vous envoyez MER MER au 6322. Maintenant, quelque chose à rajouter, Kaufman? Bah oui, on peut pas se faire mal, tout simplement parce qu'on choisit finalement la vitesse à laquelle on veut aller, hein. C'est vrai, vous qui restez maître de votre propre engin. Donc si vous avez envie de faire les petits foufous, vous le faites. Si vous voulez la jouer pépère et faire un tour en mer, eh bien vous pouvez le faire. Vous envoyez MER au 6322, on a bientôt deux places à vous filer. Ouais. Et croyez-moi, moi, on va s'en foutre jusque là. Pour la suite aussi, le fun game, Kaufman. Et là aussi, on va s'en foutre jusque là avec des informations sur la Nintendo NX qui nous sont confirmées. Et le Sundance Floor avec Jonas Blue sur Fun Radio. L'Happy Hour revient le 22 août avec toute son équipe. Accrochez-vous parce que ça fait deux mois qu'ils n'ont plus lâché de conneries. Et ça va faire mal. Par contre, il leur faudra des chaises plus solides parce qu'ils ramènent avec eux tous les kilos qu'ils ont pris pendant les vacances. L'Happy Hour sur Fun Radio. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, trois...

you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. La suite du son Dance Floor avec Ariana Grande. Dans quelques minutes, c'est les meilleurs moments de la Happy Hour avec Audrey et là, le Fun Game avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et il a encore des infos celui-là. Bah oui, vous vous souvenez de la fin du mois de juillet, on vous parlait eh bien, de la prochaine console signée Nintendo. Et c'était donc, elle s'appelle d'ailleurs toujours la NX. Ouais. Et je vous disais que la NX serait une portable transformable en console de salon grâce à un appareil à placer à proximité de votre téléviseur ou des raccordements, on ne savait pas très bien. Et donc, celle-ci prendrait donc la forme d'une manette comprenant un écran en son sein et pourvue d'un lecteur de cartouche. Je vous expliquais okay. qu'on abandonnait ouais. le CD apparemment du côté Nintendo pour revenir à quelque chose qu'on avait l'habitude de. Mais la Game Boy c'était avec cartouche, non? Exactement. Ok, on revient avec cette cartouche là? Non, c'est plutôt cartouches Nintendo, genre les grosses cartouches. Ah, les grosses Nintendo, la vie Nintendo Mario là? Enfin, on n'en sait rien en vérité, okay. on suppose là. Très bien. Bon, mis à part ces sources qu'on avait eues, ouais. eh bien, il se fait que Nintendo a déposé plusieurs brevets dont on a retrouvé la trace et qui viendraient confirmer ses propos, puisque il y a un brevet paru il y a peu qui apporte un peu de crédit à ces rumeurs. En effet, dans l'article original, le journaliste parle de manettes détachables, donc on est dans le bon ouais. de la NX, et c'est justement cette idée qui a été déposée par Nintendo. Ah. Là, on est quasi sûr que la NX aura des manettes détachables, sera une console hybride qu'on pourra à la fois attaché à son téléviseur et être à la fois autonome. Donc la NX, on la connaîtra, eh bien, on l'apercevra au mois de septembre, hein, comme ah, on disait ouais. il y a peu ici. Et donc on en saura plus à ce moment-là. Mais moi je parie un paquet de cacahuètes avec qui veut que qu'on est dans le bon. Hein. Ouais, je pense qu'on est dans le bon aussi. Et c'est une révolution un petit peu dans le jeu vidéo. Eh ben ça va apporter en fait un nouveau souffle à Nintendo qui après, allez on va le dire, un échec assez cuisant avec sa Wii U, ouais. Doit se chercher une nouvelle console de référence. C'est vrai que la 3DS continue à bien fonctionner. Mais la NX pourrait surprendre plus d'un, surtout qu'on annonce un line-up, autrement dit plusieurs titres qui vont sortir très sur bien. Cette console, qui serait très étoffé, notamment le nouveau Zelda. On annonce un nouveau Mario pour la NX. Bref, on attend et on voit. Parfait, dans une heure, on évoque quoi? On évoquera Splinter Cell, qui est probablement déjà en développement. Là, pour la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Ariana Grande. Et là, c'est les meilleurs moments de la Happy Hour avec Audrey. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, mais on fait pas un horoscope comme les autres. C'est-à-dire qu'on fait pas un horoscope classique. On a gardé les signes, ça c'est bon. Mais par contre, on va vous dire si vous êtes un bon coup. Alors, les béliers. Bah, pas vraiment, non. Comment dire, vous êtes un peu comme Usain Bolt, hein, rapide. Très, très, très rapide. Comme un lapin, quoi. Ouais, voilà, bravo. Voilà, c'est ça. Oh, yeah. Les taureaux. Alors, vous êtes un amant formidable, doux, attentionné, endurant, performant. Oh, quelle coïncidence. C'est mon signe. Genre, t'es asthmatique, toi. Après deux allers-retours, tu dois déjà se mais les 5 minutes de plaisir les plus intenses de ta 5 vie. 5 minutes, c'est tout? Si je, 5 minutes. Minutes, je suis asthmatique et obèse. Ah, bah, non, 5 minutes, il ne va pas se passer grand chose. Quelle arnaque. Allez, les Gémeaux. Alors, vous avez l'air d'être un assez bon coup. Aucune de vos partenaires ne s'est encore plaint. En même temps, vous avez déjà vu une main qui parle. Oh, cancer. Vous, un bon coup. Dans certains pays, coucher avec vous, c'est un peu considéré comme de la torture, au fait. Et les lions. Votre dernière partenaire s'est endormie pendant l'acte la dernière fois. Ça répond à votre question. Oh, ça vous est déjà arrivé, ça, les garçons, ou pas? Non, mais. Pas si, moi, une fois, mais elle était morte. Je l'ai vue après. Oh. Les vierges. Ce qui est bien avec vous, c'est que vos partenaires ont le temps pendant l'acte de faire à souper, terminer la vaisselle et regarder une série. Vous pensez vraiment que vous êtes un bon coup? Les balances. On sait pas le dire, parce que pour savoir si vous êtes un bon coup, bah déjà faudrait qu'une de vos partenaires soit pas en plastique. Les scorpions. Vous, un bon coup? Ah, c'est une blague. Vos partenaires ont déjà eu plus de plaisir après une visite chez le médecin. Oh, Sagittaire. Vous êtes quelqu'un de super attentionné, Olivier. Toutes vos partenaires sont repartis avec un souvenir. Champignons, herpès, chlamydia. Oh, c'est dégueulasse. Les capricornes. Alors, on vous dira si vous êtes un bon coup, bah, dès que vous aurez eu un rapport, au fait. Verseau. Généralement, vos partenaires préfèrent regarder Joséphine en gardien à la télé plutôt que de coucher avec vous. Et enfin, les poissons. Alors, vous êtes tous, sauf un bon coup. Hein. Mais voyez le côté positif, vous êtes doué en bricolage. C'est bien le bricolage, c'est chouette. Bah ouais, c'est déjà ça. Hein. Chacun chouette, son petit talent, qu'est-ce que tu veux. Voilà, tu vois, hein, Sandro, c'est bien le bricolage. Ouais, j'aime bien moi, voilà. Taper sur les clous. C'est voilà, bien. C'est ça, avec son petit clou, Sandro, il fait beaucoup de choses, tu sais. Oh. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Nouveauté Fun Radio. Hey, it's Ariana Grande on Fun Radio. Into You, tous les nouveaux sons démarrent sur Fun Radio. The radio of Ariana Grande is Fun Radio. Let's on dance floor. I'm so into you, I can barely breathe. And all I wanna do is to fall in deep. But close ain't close enough till we cross the line. So name a game to play and I'll roll the dice. Drake débarque sur Fun Radio. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Dans quelques minutes, le Sarah, le Salove, Laurence, on a levé. Sur une société anglaise qui vient enfin de réaliser mon rêve, le job de mes rêves. Très bien, Kaufman, t'as râlé. Ah oui, moi j'ai vraiment râlé sur Maria Carey qui frôle l'indécence. Elle aurait pu frôler autre chose, mais non, elle a préféré frôler l'indécence. On en parle après les infos. Fun Radio. Fun. Il est 18h, les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hey David, salut à tous. Petite question pour commencer. Quand est-ce que l'esclavage a été aboli en Mauritanie, pays musulman du nord-ouest de l'Afrique soumis à la charia depuis 1985? Eh bien, quelques années plus tôt, à peine en 1981. Le problème, c'est que dans les faits, l'esclavage existe toujours en Mauritanie, ce que dénonce une ONG locale, dont 13 militants sont actuellement jugés pour des violences commises lors d'une manif il y a quelques mois. Des militants qui ont déclaré hier devant la cour qu'ils avaient été torturés pendant leur détention. En tout cas, ce qu'a rapporté l'un de leurs avocats. Bah oui, après tout, si l'esclavagisme est toujours une réalité dans ce pays, pourquoi pas la torture, hein ? On pourrait parler de cohérence moyenâgeuse. On a toujours cru que c'était les majestueuses forêts qui avaient engendré le niveau d'oxygène suffisant pour permettre à la vie intelligente de se développer sur Terre. Eh bien, pas du tout, affirment aujourd'hui des chercheurs. Ce ne sont pas les grands arbres qui ont fait ça, c'est la petite mousse. Il y a 450 millions d'années, grâce à des simulations par ordinateur, les scientifiques ont découvert que la mousse générait potentiellement 30% de l'atmosphère terrestre, ce qui a permis aux animaux et aux hommes de se développer. Ah bah oui, une bonne mousse, il y a que ça de vrai. On empêche en constate une fois de plus que ce qui est petit et modeste peut être très précieux, un petit peu comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Toujours à propos de science, on va cette fois se tourner vers l'avenir, ou plutôt ce qui est déjà le présent, grâce à la Chine qui vient de lancer le tout premier satellite à communication quantique. Prenant de vitesse les Américains et les Japonais, ce satellite devrait démontrer l'intérêt de la technologie quantique dans les communications longue distance. Et l'intérêt, c'est un système inviolable de communication crypté grâce aux photons, particules élémentaires qui contient des données impossibles à intercepter. Toute tentative d'espionnage provoquerait en effet son autodestruction, un petit peu comme dans Mission Impossible. Ah ouais, après Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, c'est pour montrer que j'ai des références culturelles en béton. À propos des Jeux Olympiques de Rio, signalons qu'en athlétisme, le Kenyan Rudisha a conservé son titre sur 800 mètres, ce que le Français David Henny n'est pas parvenu à faire au saut à la perche. David Henny, médaille d'argent derrière le Brésilien Thiago Braz. Enfin, la Bahaméenne Shawnee Miller a empêché l'Américaine Alison Felix de devenir la première femme à remporter 5 médailles d'or olympiques en athlétisme, et ce, en remportant le 400 mètres. Signalons enfin que Nafi Thiam, notre nouvelle gloire nationale, ne participera pas à l'épreuve de saut en hauteur au JO. Par contre, elle sera bien présente au mémorial Van Damme le 9 septembre. Pas pour participer à un heptathlon, évidemment, sur une soirée, c'est pas possible. Mais les organisateurs ont ajouté le saut en hauteur à leur programme, histoire que nous puissions applaudir et admirer la championne olympique. Si quelqu'un pouvait donner une grosse bise de ma part, ce serait gentil. Le Sarah, le Salove, dans quelques minutes, là, on fait un point sur la météo avec Carlo. Le soleil est là, il va rester. Ouais, beau et chaud demain, une merveilleuse journée estivale pour jeudi. Petit changement de programme, normalement. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son de Drake. Salut. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Posé et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Baby, like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that. that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Les hommes casqués sont sur Fun Radio, Daft Punk. Là, on love et on râle, on commence par Laurence. Oui, alors dans la série des jobs inconnus au bataillon, mais que j'aimerais trop faire, j'ai nommé... Ah, dis-moi. Testeuse de vernis. Testeuse de vernis. Ouais. Ça existe vraiment, ça? Oui, c'est un métier. T'es et j'en suis vraiment contente, vraiment. En fait, c'est Nailbox, c'est une société anglaise qui a lancé le concept. Et donc, bah, l'achat d'un vernis et la pose d'un nouveau vernis pour une fille, c'est vraiment un truc trop, trop jouissif. Et donc, du coup, le job, il consiste en quoi? Donc, Nailbox, en fait, il vous envoie une cinquantaine de vernis avec les accessoires qui vont avec. Ouais. Et donc, du coup, il vous demande ce que vous en pensez. Il faut les tester, il faut prendre des photos. Et après, il faut tout simplement faire un compte rendu des pour et des contre. Et t'es payé pour ça? Je pense pas que t'es payé, mais attends. Non, mais 50 vernis, ouais, gratos, à l'année. Moi, perso, je dis pas non. Hein. J'en connais un qui teste des jeux vidéo à l'année, il est bien payé. Hein. Ah ouais. Kaufman. Ah merde. Donc, fais gaffe quand même. Kaufman, toi, t'as râlé. Hein. Enfin, une reconversion vernis, pourquoi pas. Hein. Oui, aussi, hein, pourquoi pas. Bon, j'ai râlé parce que Maria Carré frôle l'indécence. Vous savez, les people sont souvent mis à contribution pour défendre de belles et nobles causes. Eh bien, un certain qui exagère. Hein. C'était leur... c'était lors de quoi d'ailleurs? Oui, c'était lors d'une cérémonie, hein. Ouais, contre la pauvreté, les changements climatiques et en faveur de l'égalité, ouais, dans le monde. Et Maria Carré, bah, elle est arrivée dans une tenue qui frôlait l'indécence. Moi, je veux bien beaucoup de choses. J'aime bien la nudité, disons, okay, comme ça. Ça, on l'a compris. Mais, en deux mois, on l'a bien compris. Mais le problème, c'est que à chaque temps, ça chose, quoi, tu vois. Ça t'a choqué, ouais, ça? Bah oui, parce que franchement, quand tu vas dans un gala et que tu veux défendre les enfants, tu veux lutter contre la pauvreté et que tu viens avec une robe à plusieurs milliers de dollars, autant, ouais, être élégant plutôt que vulgaire. Pour toi, c'était vulgaire. J'ai pas vu la photo, elle était comment? J'ai analysé, c'était vulgaire. Très bien. Et donc, ça t'a fait râler, Kaufman. Un petit peu. N'est pas content, le Kaufman. Allez, dans quelques minutes, on vous offre des places pour aller faire du webkarting. Oui, vous avez envie de prendre la mer, Moussaillon? Eh bien, Fun Radio vous invite pour une journée assez exceptionnelle, une journée qui vous permettra de rencontrer vos animateurs, d'aller avec d'autres auditeurs, profiter d'une expérience unique, d'un sport extrême, le webkarting. C'est à gagner maintenant, tout de suite, directement, 6322. Vous envoyez mer, mer au 6322. Et voici les Daft Punk avec Daft Punk. Thank you. Fun Radio. Le son. Dance Floor. This is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. Heaven, this is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. Calvin Harris et Rihanna, c'est le son que je vous propose. Il vous reste moins de 30 minutes pour gagner vos deux places pour aller faire du wave karting. Du wave karting, c'est quoi? C'est très simple. Vous prenez un jet ski, un bateau, vous mélangez les deux et vous arrivez sur une sorte d'hybride. Vous allez sur la mer du Nord, vous voyagez. Je prends tes mots, Kaufman, t'as vu ça? Ouais. J'attends de copier un petit peu. Et vous allez pendant une heure, une bonne heure, aller sur la mer du Nord, sur ce jet ski, entre guillemets. Vous allez vraiment kiffer, profiter entre amis, avec la famille. On vous offre deux places dans moins d'une demi-heure. Pour les gagner, vous envoyez mer, M-E-R, au 6322. Mer, M-E-R, au 6322. C'est 1 euro par message. Nous, on l'a testé dans l'équipe. Oui. On l'a testé et approuvé, Kaufman. Hein. Ah oui, vous verrez en plus les images bientôt. Ah, elles oui. arrivent bientôt. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça se passe à Zeebruges. C'est que ça se passe dans un cadre idyllique. Ouais, vraiment. Vous êtes vraiment en bordure de mer. Pendant un quart d'heure, vous allez vous exercer à prendre cet engin en main pour savoir le manier une fois que vous êtes en mer. Mais vous verrez. Hein. Honnêtement, on n'est pas des pilotes chevronnés. Bah non, et nous, non. on est partis à fond les ballons. À 50 km/h sur la mer, on prend les vagues. Ça fait du bien en plus l'air de la mer, tu vois. Ouais, ça rafraîchit, ça donne de l'énergie positive. Bah, toi, je sais pas si tu peux le dire, mais oui. Je peux le dire quand même, ça m'a rafraîchi quand même. Je peux te le dire. Le mec, il était un peu blanc, mais faut savoir que vous gagnerez deux places et que vous pourrez partir à deux bien sur sûr. Le même engin. Et ce qui est sympa, c'est que le moniteur fait plusieurs arrêts histoire que vous puissiez changer de conducteur. Ah oui, c'est vrai. C'est pas à sens unique. Une fois que vous avez gagné vos places, vous invitez la personne de votre choix à venir passer avec nous une journée exceptionnelle à Zeebruges pour faire du wave karting. C'est tout nouveau. Et croyez-moi, ce sport nautique va faire malheur. C'est parole de scout. C'est vraiment un plaisir d'aller sur cet engin, d'aller profiter. En plus, c'est la fin de l'été. C'est un magnifique cadeau qu'on vous propose toute cette semaine. C'est notre dernier cadeau pour C'est que du fun. Non. Donc, allez-y. Si, si, bah, si, c'est la dernière semaine. Fini. Bah, un peu. Donc, allez-y, envoyez mer, M-E-R, au 6322. C'est un magnifique

thinking I would jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. Bon après-midi sur Fun Radio, le son dance floor continue avec Face et Afrojack. Dans quelques minutes, vos places pour le WF Karting, le Fun Game avec Kaufman. Oui, on parlera de Splinter Cell 7, c'est difficile à dire, qui reviendra probablement très rapidement. Et là, le topito du jour, le top 5 des choses à faire avant septembre, pour faire genre, c'était bien les vacances. Cinquième position, faire un barbecue. Qui en a déjà fait un cet été, Kaufman? Barbecue? Non, mais j'ai mangé des saucisses quand même. Ah, ouais. Bien. Et Laurence, barbecue? Ouais, j'en ai fait un. Ah, un, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Mais j'aime pas trop ça, moi. Et puis il a fait un temps pourri quand même, hein. Tout cet été ouais, en Belgique, en on peut le dire. Il a fait un temps pourri. Quatrième position, avoir les marques du bronzage pour que vos collègues vous disent oh. Ah, t'as bien bronzé toi, dis donc. Hein, ça va quand même ce bronzage. Faute de goût. Ah ouais, faute de goût pour toi, les marques du bronzage? Bah attends, déjà en hiver, t'as les marques des lunettes. Mais si en plus en été, tu vas avoir les marques des Marcel, t'en finis plus. Troisième position, essayer de perdre du poids en faisant du sport. Est-ce que vous faites du sport autour de la table? Jamais essayé. Ok, ma deuxième position, poster des photos de vous au bord d'une piscine ou de la plage. Sinon, prenez une photo dans la douche, ça fait quasi le même effet, hein, mais bon. À part des photos de la radio, nous on n'a rien posté. Ouais, on n'a rien posté, c'est vrai, effectivement. Et en première position, aller voir un concert en plein air. Eh oui, ça c'est très été. Qui a déjà été voir un concert ah, en oui, plein air? Quand oui, quand même. Mais cet été ou pas? Ça ne te regarde pas. Ah, très bien. Il ne veut pas savoir sa vie privée celui-ci. Quoi? Tu veux pas qu'on hey, enquête? Ok, je peux le dire. J'étais voir. Eh bien, les enfants à la Croix de Bois. Ils donnaient un concert en plein air, c'était magnifique. Très bien, pour la suite, ça se passe avec vos deux places pour le WF Karting. Comment on fait, Kaufman, pour les gagner? Vous envoyez MER au 6322, c'est 1€ par message. MER, M-E-R au 6322. Et dans quelques minutes maintenant, eh bien, on accueillera notre premier gagnant. Et juste après, Face et Afrojack, hey, dans Fun Radio. I see the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you want. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come? I say, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey, I say. See?

hide all the dreams that fell so far. Hey, I know, I'm taking up on myself. I can find a way to hide all the dreams that fell so far away. Le soleil est là, ça fait plaisir. Le son dancefloor continue. Madcon et Willy William. Et on va découvrir notre premier gagnant pour aller faire du wave karting. Il est avec nous, il s'appelle Laurent. Salut Laurent. Salut l'équipe. Oh, salut. Salut Laurent. Je crois qu'il est déjà en pleine mer, Laurent, vu le vent qu'il y a dans ce temps. Ça va Laurent? C'est sûr, je me réjouis. Ça va et vous? Oui, on est en pleine forme. Oui. Au taquet. Tu fais quoi dans la vie, Laurent? Dis-moi tout. Je suis assistant social. Ah, il en faut, mais t'habites où? J'habite à Sarin. Ah, tu dois avoir du boulot alors. Il y a du boulot, effectivement. C'est pas gentil ça. Mais je rigole. Dis-moi, Laurent, t'as envoyé quoi, 6322? J'ai envoyé mère. T'as envoyé mère? On vérifie, Laurent. Belle radio! Bravo! Bien joué, Laurent! Tu repars avec deux places. De rien, Laurent! Il est content. Tu sais déjà avec qui tu vas venir. À Zeebrugge pour faire du wave karting avec ta copine. Elle s'appelle comment? Amélie. Voilà. Amélie et Laurent sur le petit bateau et c'est parti. Ils sont en pleine mer là. Ils vont et ça bouge un petit peu quand même, Laurent. T'as déjà fait du bateau ou pas? Oui. Ah oui, oh l'habitué, oh le monsieur. Attends, excuse-moi, je suis pas champion du monde. En vacances, on prend le bateau. Oh bah ok, tranquille, ça va, Laurent. Allez, on prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas, ok? Nickel, tout grand merci. De rien, avec grand plaisir. Bisous, bonne soirée, Laurent. Bisous, bonne soirée. Merci. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Game, on est au taquet, Kaufman. Prêt? Oui, comme toujours. Allez, Fun Game avec son petit jingle, il l'adore celui-ci, oui. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et quelle info à venir ? On parle d'un Splinter Cell en développement alors que les fans attendent avec impatience l'annonce justement d'un nouvel épisode de Splinter Cell qui est le jeu par excellence de tous les amateurs d'infiltration. C'est pas de l'action pure et dure, c'est vraiment de l'infiltration. Eh bien, une source proche d'Ubisoft déclare que Splinter Cell 7 serait en développement. En effet, Michael Ironside, qui est la voix de Sam Fisher dans la version originale, aurait été aperçu dans les studios d'Ubisoft Toronto. J'ai mené mon enquête à partir de cette source. Ouais, dis-moi. Et je pourrais vous confirmer bientôt qu'il sera impliqué dans le développement d'un nouveau Splinter Cell, la référence des jeux d'infiltration. Normalement, avant vendredi, avant le 19 août, eh bien, je vous dirai ce qu'il en est. Mais normalement, un nouvel épisode est donc déjà bel et bien en chantier. Donc on ne sait pas encore la date. On ne connaît pas encore la... Non, j'ai poussé l'investigation, mais pas aussi loin. Okay. Je demande. Dans une heure, on évoque quoi, Kaufman ? Eh ben, on parlera de l'Inde, on s'évadera là-bas, parce que l'Inde séduit de plus en plus d'éditeurs. Ah bon ? Tu peux rappeler déjà ce qu'est un éditeur, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les jeux vidéo ? Un développeur de jeux vidéo. C'est eux qui font les jeux, en fait. Simple, voilà, ouais. Ah, c'est eux qui font les jeux, très bien. Et ils vont en Inde, maintenant ? Oui. C'est inquiétant ou pas pour le marché français et belge ? Français, non, parce qu'il y a toujours Ubisoft. Belge non plus, parce qu'on n'a pas un seul gros studio, mais qu'on a beaucoup de développeurs de talent indépendants. Mais l'Inde séduit, et justement, on vous expliquera pourquoi dans quelques minutes, dans moins d'une heure, tiens. Très bien, pour la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Madcon, et là, c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On a reçu un petit message au 3044 de Mickaël. Visiblement, Mickaël qui a besoin de l'aide de l'équipe. Salut Mickaël. Salut Audrey. Ça va bien ? Ça va bien et vous ? Bah super. Oh bon, hey Mickaël, pourquoi tu fais appel à l'équipe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma copine est enceinte. Oh, s'il vous plaît. Monsieur a bien travaillé. Monsieur a mis la graine au fond du panier. A mis le ballon au fond du filet. Et tu veux qu'on fasse disparaître ta copine, c'est ça ? Non, je sais pas, je demande. Tu sais, il y a des gens qui sont contents, hein. Ça peut être une bonne nouvelle, hein. Et fais pas le malin, toi, parce que ça fait combien de temps que t'es avec ta copine, Fab ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Non, mais vas-y, dis-nous. Ah, six mois. Bientôt. Ouais. Attends, tu vas voir, elle va bientôt te parler de bébé. On rigole. Et bientôt, Fab va devenir papa. Oh, je parie qu'il va devenir papa avant décembre. Mais non, mais quelle erreur. Ah, si, je le sens. Regarde, il a les petites étoiles dans les yeux. Je suis sûre qu'il va être papa. T'imagines un mini Fab ? Non. Ah, ouais, non, c'est vrai que ce serait chiant, quand même. Non, mais abandonne le projet. Après, s'il tient toute Julie, de la copine de Fab, ça ira, quoi, tu vois. Et il peut s'en sortir dans la life. Bah, à la limite, elle peut le faire avec quelqu'un d'autre, si pour être sûr. C'est mieux. Ça, c'est mieux. Je dirais que je suis disponible en ce moment. Bon, Mickaël, elle est enceinte depuis combien de temps, ton amoureuse ? Ça fait 2 mois. Ah ouais, c'est récent ça. Oh, c'est mignon. C'est mignon, ouais, tout plein. Bon, et alors, comment on peut t'aider ? On doit venir à l'accouchement ? On doit pousser. Non, ça va. Je voudrais trouver une façon, en fait, une façon originale de le dire à mes parents, en fait. Je sais pas si t'es tombé sur la bonne équipe pour ça, tu sais, parce que... Idée originale. Est-ce que est-ce qu'ils sont d'accord avec ce truc ? Bah, dis, ça va, il a 28 ans, c'est bon. Mais enfin, il va pas gagner. Bah oui, ils vont être contents. Moi, j'ai une idée. T'invites tes parents à en bouffer. Ouais. Ok, tu fais un petit cocktail et dans le verre de ta mère, tu mets le test de grossesse. Oh non ! À la place du couillon. Non, tu vas pas faire ça. Non, moi, ce que j'aime bien, ce que je trouve original, c'est les chasses au trésor. Tu sais ? Mais oui, c'est parce que tu mets un truc, tu vas dans la maison de tes parents. Pas que c'est passé, hein. Mais non, mais c'est pas ça. Bah, c'est un peu le même principe, c'est que tu vas dans la maison de tes parents et alors tu mets des petites pétales de rose ou autre chose, tu vois, un chemin à suivre. Ouais. Et à chaque étape, il y a un petit indice qui fait qu'il te renvoie un autre indice, et à la fin. Tu découvres qu'en fait tu veux dire que tu vas être papa et qu'eux vont être grands-parents. Ah, comme ça, toi. Tu vois un peu comme quand tu fais une soirée romantique avec ton amoureuse, quoi. Imagine, tu me fais ça à moi, je découvre le cadeau à la fin, je suis déçu, hein. Bah, je me dis, ah, c'était juste pour ça. Moi, je fais ça à ma mère, elle voit des pétales de rose par terre, elle passe l'aspirateur. Elle efface les traces. Bon, écoute, on fait ce qu'on peut, hein, Mickaël. T'inquiète pas, on va te sortir une idée. Juste parce que déjà, il y a les auditeurs qui sont là, donc ça va aller, on va s'en sortir. D'ailleurs, si vous avez une idée pour Mickaël ou comment vous avez fait vous pour annoncer à vos parents qu'ils allaient être grands-parents, 3044 pour vos messages. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Nouveauté Fun Radio. Madcon et Willy William. Fun Radio. Girl, you know I've been around the world. Yeah. But nothing can beat the view of you putting that thing to work. Like a 9 to 5. You got them sun-kissed eyes. Girl, you hotter than July. If I act a fool, it's because of you. détester. Tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb et tu le sais. Tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé, toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe, but keep it low key. I said, don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my. C'est Imani pour la suite du son Dance Floor sur Fun Radio. Le programme de l'émission pour l'heure qui arrive, il y aura le Blackjack, il y aura également les traditions avec Laurence. Alors oui, on est pas mal fêtards en Belgique, ouais. Mais dans les autres pays c'est pas mal aussi. Donc du coup j'ai été faire un petit tour du monde des traditions et des fêtes insolites par là-bas. Ok, on découvre ça dans quelques minutes, il y aura aussi le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera de l'Inde qui séduit de plus en plus de développeurs de jeux vidéo. Et on a un magnifique cadeau à vous offrir toute cette semaine. Et aujourd'hui on en a déjà offert deux places, il y a encore deux places à gagner d'ici 20h. C'est du Wave Karting, Laurence. Bah ouais, le Wave Karting c'est un peu comme un bateau ou un jet ski, c'est un peu le mélange des deux. Et nous perso on en a fait et franchement c'est un truc incroyable. Parce que oui, ok, on est encadré par un moniteur, ouais. Mais on est quand même assez libre. Donc ça fait que nous par exemple on s'est un peu défié les uns les autres, voir celui qui allait vraiment oser aller jusqu'aux 50 km/h. Et c'était quand même pas mal, on a quand même été très très vite. On s'est pris des vagues, on a été un peu mouillé mais pas trop, franchement ça allait, ouais. Plutôt raisonnable, donc c'est vraiment un super chouette cadeau qu'on vous offre. Envoyez mère pardon au 6322, c'est 1€ par message et ça en vaut vraiment la peine. Mère M ER au 6322 pour gagner vos deux places. On vous les offre avant 20h. Kaufman en a fait, il en a perdu sa casquette. Ouais. Le mec il se bat toujours avec la casquette. On peut en parler. Ah, oh, mais tu vas pas aller avec tes casquettes là-dessus, tu vas la perdre. Qui a été le plus vite et qui n'a pas perdu sa casquette? C'est vrai, c'est vrai. Hein, c'est vrai que t'as été vite en plus sur cette le plus vite, je sais pas. Hein. Ouais. Je suis pas sûr. Ah, on verra les images, on a une vidéo. C'est vrai, t'as été très vite quand même sur cet engin, t'as pas peur, ah, toi oui, hein. Disons que non, mais j'ai fermé les yeux aussi. Il conduit en fermant les yeux. Donc vous envoyez MER, M-E-R, au 6322. Que dire sur du wave karting, Kaufman? C'est vraiment un cadeau exceptionnel. Hein. Bah, ça mélange sport extrême avec amusement. Ça a des très très chouettes engins, très faciles à manier sur la mer. Si vous avez jamais fait, ce qui est très probable vu que c'est une nouvelle discipline qui vient d'arriver à Zeebrugge en Belgique, eh bien n'hésitez pas à jouer avec nous. On passera une journée exceptionnelle, on vous accueillera, on boira un petit pot ensemble, pas d'alcool hein, que du jus d'orange bien sûr, oui, et après on ira s'éclater sur les wave karting et après on reboira un pot et là c'est peu que ça soit de l'alcool. Vous envoyez MER au 6322 pour 1€ le message et on a encore deux places à vous filer avant 20h, croyez-moi sur parole, c'est un énorme cadeau. C'est aussi l'occasion pour vous de passer une journée un peu différente qui sort des sentiers battus, histoire d'accompagner vos animateurs sur la mer. Effectivement, concernant la sécurité, on reçoit des messages qui nous disent attention, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a une formation avant? Kaufman, dis-moi tout. Explique-moi un peu le concept. Écoute, la formation est très simple. Non, plus sérieusement, on vous enseigne ce qu'il faut savoir en termes de mesures de sécurité, parce que forcément c'est un engin à moteur, donc faut savoir le manier, faut savoir faire je dirais les premières manœuvres, faut savoir quoi faire si par exemple votre moteur s'arrête. Bon, il faut savoir réagir. Ouais. Et pour ça, on nous l'explique, hein. Oui, bah, maintenant, vous avez un gilet de sauvetage. Et a priori, il peut rien vous arriver si vous tombez à la mer avec le gilet de sauvetage. Donc, ne vous inquiétez de rien. Forcément, en plus, vous allez deux sur le wave karting, ouais. Histoire que si vous êtes fatigué ou que vous n'aimez pas conduire, eh bien, vous ferez conduire. C'est pas compliqué. D'ailleurs, avis à la population, hein. Moi, je prendrai quelqu'un sur mon wave karting avec grand plaisir, hein. Et puis, on peut tourner concernant les pilotes. C'est-à-dire que le moniteur s'arrête en pleine mer. Il vous dit, il vous fait déjà de la main, tourne. Ouais, c'est ça. Bon, si vous voulez pas tourner, vous tournez pas. Hein. Moi, je croyais à chaque fois que quand il disait tourne, c'était le drapeau d'arrivée. Tu vois. Alors, je fonçais encore plus pour passer le drapeau d'arrivée. C'est pour ça que tu fonçais autant. Vous allez pouvoir défier Kaufmann et Laurence parce qu'ils seront là aussi. Les animateurs seront là. Les animateurs de Fun Radio seront là à cette journée exceptionnelle. Hein. Et bien sûr, on sera là avec tous les autres animateurs et on fera la fête parce qu'on aime bien ça et qu'on a envie de vous rencontrer dans un cadre très original, dans un cadre idyllique, même si ça se passe à Zeebrugge. Allez, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous envoyez MER, M-E-R, trois lettres, M-E-R au 6322, c'est 1€ par message. On vous souhaite bonne chance. Ouais, bonne chance. Il y aura forcément un gagnant d'ici 20h. On a eu un gagnant il y a 20 minutes. Il y aura un gagnant d'ici 20h. Envoyez MER, M-E-R au 6322. C'est un magnifique cadeau qu'on vous offre. Là, il est bientôt 19h. À 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, ça se passe avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. Fusillade hier en début de soirée dans les rues de Gand. Enfin bon, dans une rue de Gand, la Vlaine de Rundstraat, pour ceux qui connaissent, et même pour les autres. Terrorisme, vous exclamerez-vous à l'unisson. Et non, calmos, hein. Selon la police, ça n'a très probablement rien à voir. La police a appelé sur les lieux car un homme armé se promenait sur la voie publique. Les agents l'ont évidemment semé de se débarrasser de son arme, mais comme il ne voulait pas obéir, bah, lui ont tiré dessus. Selon le parquet, l'individu est toujours dans un état critique. Et puis ce matin, la station de métro Simonis à Bruxelles a été brièvement évacuée après la découverte d'un colis suspect. Terrorisme, vous exclamerez-vous à nouveau, mais non, faut arrêter maintenant d'être parano comme ça. Il s'agissait d'une fausse alerte et la station a été rouverte après trois quarts d'heure. J'évoquais hier un tremblement de terre au Japon, au large de Fukushima, mais un petit séisme, hein. Heureusement, rien à voir avec celui qui a provoqué le terrible tsunami, dont les conséquences se feront sentir encore longtemps. Et puis la terre a tremblé également au Pérou, où 4 personnes au moins sont mortes et 40 autres ont été blessées. Un séisme d'une magnitude de 5,2 qui a frappé le sud du pays. Je vous parlais à 17h de cette femme qui avait brandi une pancarte dans un stade olympique à Rio pour le droit des Iraniens d'entrer dans les stades. Et en principe, elle n'avait pas le droit de faire ça vu que selon la charte olympique, la politique ne peut pas s'inviter aux Jeux. Le problème, c'est que JO et politique sont indissociés depuis 1936 avec les Jeux organisés par les nazis à Berlin. L'Afrique du Sud a longtemps été boycottée aux JO en raison de l'apartheid. Dans les années 80, les blocs de l'Ouest et de l'Est se sont aussi boycottés mutuellement. Et puis, vendredi dernier, un judoka égyptien a refusé de serrer la main de l'Israélien qui venait de le battre. Et pas seulement parce que c'est un mauvais perdant, hein. Même qu'aujourd'hui, le comité international olympique, mais aussi le comité olympique égyptien, ont sanctionné Islam El Shehabi en le renvoyant chez lui avec effet immédiat. Et le comité égyptien s'est vu demander de s'assurer qu'à l'avenir, tous ses athlètes soient conscients des valeurs olympiques avant d'aller aux Jeux. Je faisais allusion aux Jeux de Berlin en 1936, et bien un autre qui vient d'en parler également, c'est le perchiste français Renaud Lavillény, visiblement très frustré après avoir échoué à remporter une deuxième médaille d'or dans sa discipline. Battu par le Brésilien Thiago Braz, il a regretté l'attitude du public brésilien qui a cherché à le déstabiliser en le huant et qui visiblement y est parvenu. Et il a donc fait la comparaison avec les Jeux de Berlin où le coureur noir américain Jesse Owens avait remporté 4 médailles d'or, une comparaison plus que limite, d'autant plus stupide d'ailleurs qu'Owens n'avait pas été hué à l'époque. Fun. Fun Radio. Dans un instant, chez le jeu du Blackjack qui débarque. Là, on fait un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo? Demain, il va faire très beau. Il va faire, j'allais dire, très chaud. Bon, 25-26 degrés, c'est pas non plus la canicule, hein, mais c'est très agréable en tout cas. Voilà, prochain rendez-vous info demain en ce qui me concerne à midi. À tous, une excellente soirée. Je vous laisse en compagnie de David et du son d'Imani. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant. Suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. L'émission qui fait dabé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Soirée sur Fun Radio, le son Dance Floor continue, The Chainsmokers. Et là on va jouer au jeu du Blackjack avec Kevin qui est avec nous. Salut Kevin. Allez bonsoir. Allez salut bonsoir Kevin. Allez salut Kevin. Allez, c'est parti, vous tournez les serviettes Kevin. Allez, on est chaud patate, c'est bon. Voilà, chaud patate. On espère en gagner un petit lot. Si on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Eh, hey, t'inquiète pas, tu vas gagner un jeu vidéo peut-être, Kevin. Je t'explique le principe du jeu du Blackjack. Je dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Et si tu tombes sur 21 pile, tu gagnes un jeu vidéo, Kevin. Ok? Ah, on est sur le battre à pile, hein. Est-ce que t'as une console au moins? Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Il veut pas te parler. Est-ce que t'as une console, Kevin? Oui, oui, j'ai une console, une PlayStation 4. D'accord. PS4. Lâche ta bière, on va jouer. la bière est lâchée. Première carte, c'est un 6. On continue, Kevin? On continue. Bien sûr. Deuxième carte, c'est un 3. 6 plus 3. 9. 9. Kevin, on continue? On continue. Ok, Kevin. Troisième carte, c'est un 5. 9 plus 5. 14. 14. Elle est très forte sur les maths. Oui, je m'entraîne. Magnifique. On continue, Kevin? On continue avec un petit 7. Avec un petit 7, on espère. Attention, je vais dévoiler la carte. C'est un 4. 18. 14 plus 4, 18. C'est donc un pack fun pour l'instant, Kevin, que tu as gagné. Wow. Alors, ok. Pas de fun parce que je pense pas que j'aurai plus de mais temps. Si. Ah, Kevin, est-ce que tu vas tenter la carte? Il te faut un 3 ou un 2 parce que le 2 Te fais garder le pack fun. C'est chaud, hein. Non, mais c'est une dernière semaine. Vas-y, on doit lâcher les cadeaux. Hein. C'est chaud, Kéké, là. Alors, Kéké. Si t'as lâché les cadeaux, alors. Si t'as lâché les cadeaux. Bah, c'est à toi de savoir. Hein. Moi, je te garantis pas. Mais bon, si j'étais à ta place, bon. Je me dis un jeu vidéo, c'est toujours mieux qu'un pack fun. Et bien, que moi qui connais la réponse. On se concerte ici dans la maison. Les gars, je prends une carte. Je prends pas de carte. La concertation. Ok, allez, concertation. On va avoir la réponse de la concertation. J'ai 18. En même temps, si t'as un 2 à 3 à prendre, c'est que t'as 18, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Kevin? 5 secondes, Kevin. Il a gagné. 4, 3, 2, 1. Il nous faut ta réponse, Kevin. On reste comme ça. On reste comme ça. Sale décision. Allez, c'est validé, on reste comme ça. C'est un pack fun. On va quand même découvrir la carte. Et la carte était un 6. Ah, ben voilà. Ouais, bien joué, Kevin. Pas du tout, c'est 3 fois 2. Il semblait bien. Bravo. Bravo, Kevin. Tu repars avec un pack fun. On prend tes coordonnées en antenne. Ne bouge surtout pas. Ok. Ça va, nickel. Une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et bon apéro, Kevin, hein, surtout. Merci. Allez, salut. De rien, salut, Kevin. Pour la suite, ça se passe avec les traditions, Laurence. Alors, oui, on est pas mal fait tard en Belgique, mais dans le monde, ils sont pas mal aussi. Donc, on va aller voir un peu ce qu'ils font là-bas. Et on a des places aussi pour aller faire du wave karting. On vous explique tout ça juste après The Chainsmokers avec Daya, le titre Don't Let Me Down. On est ensemble jusqu'à 20h. On est en direct. Et bien sûr, c'est que du fun sur Fun Radio. Hit a wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name. Heartbeat, thinking about the words to say. good feeling, would it ever go away? Now those were the days before you had to go away. Now I'm dancing by myself out in the rain. Now it's getting rather cold, and I just wanted you to know that if my dreams will ever be, will you come dancing next to me? Still remember when we were dancing in the sun. Now those were the days before you had to go away. Now I'm dancing by myself out in the rain. Now it's getting rather cold, and I just wanted you to know that if my dreams were, will you come dancing next to me, next to me? Maître Gims débarque sur Fun Radio avec Ma Beauté. Il vous reste 45 minutes et même un peu moins pour aller gagner deux places pour aller faire du wave karting. On vous l'explique toute cette semaine et tout aujourd'hui, on vous l'a expliqué. Hein, le wave karting, c'est un mélange entre un bateau et un jet ski. Vous allez sur la mer du Nord et vous allez vous amuser pendant une heure avec les vagues. C'est vraiment un vrai kiff de pouvoir faire ça. Ça s'appelle du wave karting et on vous offre deux places d'ici 20h. Dans quelques minutes, on les offre. Pour les gagner, vous envoyez MER, MER au 63-22, c'est 1 euro par message. MER, MER au 63-22, c'est 1 euro par message. Kaufman et Laurence l'ont fait, l'ont testé, oh oui, ils l'ont approuvé, ils ont kiffé, ils vont même en refaire. Donc c'est, oui, pour, c'est pour vous dire. Hein. Pour te dire, je vais devenir moniteur de Wave Karting. Voilà. Il a changé de vocation celui-ci. D'ailleurs, à l'issue de la course, je leur ai fait tous croire que j'étais sélectionné pour une course. Et ils ont dit, mais c'est pas possible, parce qu'en fait, ils m'ont fait rentrer plus tôt tellement j'avais du talent. Ouais, c'est ça, parce que t'étais un dangereux surtout. Non, c'est parce qu'ils pensaient que c'était moi qui allais filmer le truc. Ah ok. Et j'aurais tous fait croire que j'étais sélectionné pour une course après-midi. Il s'était bouche bée. Oh, c'est bien pour toi. Et on voyait, il râlait. Ah, soit on a du talent, soit on en a pas. Hein. Il en a pas parce qu'il a pas été sélectionné au final. Donc pour vous amuser avec nous, on sera également là. Les animateurs de Fun Radio seront là. Vous envoyez MER, MER au 63-22. C'est 1 euro par message. Et on vous offre deux places dans quelques minutes. Il y aura également les traditions avec Laurence. Bah oui, on est en Belgique, on est pas mal fêtards. Donc du coup, moi j'ai décidé d'aller voir dans les autres pays comment ils fêtaient eux leurs fêtes et leurs traditions. On évoque ça juste après Maître Gims sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été,

et ils passent leur journée en fait à chercher quelque chose, mais quoi? Ils attendent en fait quelque chose, mais quoi, à votre avis? Au Canada. Ah, intéressant, le Canada. Le caribou. Ah oui, le caribou au Canada, c'est non, vrai. C'est un autre animal, ils attendent une marmotte. Une marmotte? En fait, ils se posent devant un trou et ils attendent que la marmotte sorte. Non, mais du trou. Ils peuvent attendre longtemps comme ça. Oui, effectivement, ils attendent très longtemps. Et donc, du coup, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la marmotte sort et qu'on parvient à voir son ombre grâce au soleil, ouais, ça veut dire qu'elle aura peur et qu'elle va rentrer. Et que l'hiver va continuer. Ah ok. Par contre, s'il fait gris, la marmotte va sortir, on ne verra pas son ombre, et du coup c'est le début du printemps. Ah sympa ça. Ah, pas mal ouais. Mais faut rester planté quand même pendant 3 heures devant un trou pour voir la marmotte, hein. Encore une fois, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Autre pays. Alors on va en Allemagne. Ouais. À Munich. Et là-bas. Ouais. Là-bas, ils ont la Oktoberfest. Oui. Il connaît bien Kaufmann, ça. Je sais, oui, grand connaisseur. C'est pas pour rien que j'ai un bide, hein, non plus. C'est la fête de la bière. Exactement. Cette fête, elle a plus de 200 ans et attire plus de 6 millions de visiteurs. Ah, quand même 6 millions. Ouais. Donc, du coup, ils se réunissent tous sous une tente et ils boivent de la bière tous ensemble. Mais en fait, il faut être assis pour être servi de bière, sinon, t'es pas servi. Ok, ouais. Tu peux apporter ton tabouret, comme ça, au moins, t'es sûr d'être assis. Ouais. Et du coup, il y a 6 millions de litres de bière qui sont bues chaque année et plus de 500 000 poulets qui sont mangés. Ah, quand même, 6 millions de bières bues. Ah, c'est quand même énormément. Moi, une bière, un poulet, je me les donne maintenant, je les bois. Enfin, je les mange, c'est vrai. Effectivement. Autre pays. Bah, on finit avec l'Argentine. Et là-bas, ça se fête le 10 novembre. Et c'est une fête plutôt sportive, mais avec un peu de dégustation d'empanadas. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font de sportif? Le sport, je sais pas. Argentine, le football peut-être. Hein. T'as qu'à les football par là. Je sais pas, un truc toréador ou avec un cheval. Ouais, exactement. Pas. C'est plutôt ça. Bon, là, besoin de concentration pour le dire, mais c'est le jineteada. Jineteada. Ah, bien sûr. Voilà, vous le dites mieux que moi. Le jineteada, bien sûr, on fait tous les jours, nous. Et donc, en fait, il faut rester plus de 30 secondes sur le dos d'un cheval fou. Et à ce qui paraît, c'est très physique et très dur. Et moi, je veux bien le croire, je veux pas tester. Non plus. On ne veut pas tester. Merci pour la tradition, Laurent. Dans quelques minutes, le Fun Game Kaufmann, on évoque quoi? On partira en Inde. Et vous verrez que l'Inde séduit de plus en plus d'éditeurs de jeux vidéo. Mais on voit ça juste après Major Lazer. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Oh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be if they need a pile of woe. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' that. Let me drop it to the ground like yes, bitch. Bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'll smash it. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a show a lot of sign dollar where you a go do. Take a roadside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a girl is, I'm in stanza forever. Yo, please, baby don't leave. You got that booty booty boom bam bam. La suite du son dance floor, ça se passe avec du belge Dimitri Vegas et la Mike. Et là, on s'intéresse aux jeux vidéo avec le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. On part en Inde, c'est parti. Oui, ah, ça fait du bien de s'évader un petit peu pour la fin de ses vacances. Parce que je vous rappelle que nous, vendredi, c'est notre dernière mission. Et la bonne nouvelle, c'est que la P.O.R. revient. Ah, lundi. À partir du lundi 22 août, toute l'équipe revient en force sur Fun Radio avec des nouveautés et tout, et tout, et tout. On les a vus aujourd'hui. Et ils sont bronzés, ils font plaisir. Ah, ils sont affûtés, c'est bon. Ils sont attaqués à retrouver lundi. Et là, le Fun Game, Kaufman. Oui, après les villes de San Diego, New York, Toronto, Édimbourg, Lille. Et Londres, Rockstar, l'éditeur, le développeur à l'origine du fameux Grand Theft Auto, GTA, a acheté son dévolu sur Bangalore, une ville située au sud de l'Inde. Rockstar s'est bien gardé quand même de communiquer sur celui-ci, et pourtant quelques pistes demeurent. Est-ce qu'ils vont travailler sur un jeu PS4, Xbox One, l'intelligence artificielle, les armes, les animations? C'est autant de mots jonchant sur les offres d'emploi qu'on peut lire là-bas, avec évidemment pour objectif final de reprendre en main une franchise, une licence. On ne sait pas encore laquelle, on se demande. Quoi qu'il en soit, l'Inde séduit, vous en doutez pas. Pourquoi, à cause ou grâce, c'est selon le point de vue, aux coûts salariaux beaucoup moins chers qu'en Europe. Alors Rockstar se défend évidemment de vouloir expatrier ses développeurs, mais c'est vrai que quand on lit la liste des studios qu'ils possèdent, c'est vrai qu'ils n'en ont pas beaucoup dans les pays qui pratiquent un peu le dumping salarial, comme on l'appelle. Et toi, tu paries sur quelle franchise alors ? Écoute, c'est difficile à dire à l'heure actuelle. Je te remercie de me poser la question et de me mettre un peu sur le... Moi, je dirais GTA, mais je suis pas certain, mais je dirais GTA, non ? Oui, GTA indien, t'as bien raison. Non, mais c'est pas GTA, ça fait combien d'années que c'est pas sorti, ça ? Ah ouais, mais ça, c'est moi qui te l'ai dit dans une précédente émission. Bah, c'est vrai, je l'ai un peu piqué là, mais bon, je parie sur ça, non ? C'est vrai que ça fait plus ou moins 5 ans que le précédent GTA est sorti, et que quand on sait que Rockstar travaille avec justement un rythme de 5 ans pour produire GTA, on peut se poser la question. Maintenant, c'est pas en engageant un studio maintenant qui va pouvoir s'intéresser à la franchise. Okay. Il faut évidemment travailler en amont. Ok, oula, mais t'énerve pas, il m'a fait peur. J'ai failli avoir une crise cardiaque, Hoffman. Calme-toi, c'est bon, merci en tout cas pour l'info Fun Game. Il nous reste deux places à vous faire gagner pour aller faire du wave karting. Comment on fait pour les gagner, Kaufman ? Eh bien, vous allez envoyer MER, MER au 6322. Vous allez venir avec nous vous éclater à Zeebruges, monter sur ces engins mécaniques, à la fois jet ski, à la fois bateau. Nous vous servirons une petite boisson, un petit rafraîchissement avant de monter à bord. Il est fou celui-là, c'est plus pour un hôtesse, une hôtesse. Une hôtesse, mais très particulière. Effectivement, avec une casquette, c'est assez rare. On développe tout ça juste après Dimitri Vegas et l'IMAG sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me, will you call? I need you close, don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun, we fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need, so one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts, won't you stay a while, stay a while. We are still on the run, never had enough, never catching us. broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Bon courage, vous êtes en voiture, la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Moom. Il vous reste moins de 5 minutes pour gagner les deux places pour aller faire du wave karting. C'est une activité unique qu'on vous propose de faire gagner là. C'est à la recherche de sensations, de points de vue, c'est vraiment pour vous. Vous montez à bord d'un engin qui est entre le bateau et le jet ski. Là, c'est parti pour découvrir la mer du Nord. Vous allez adorer. C'est un magnifique cadeau qu'on vous propose. Le soleil en plus est de retour, donc il faut vraiment en profiter. Pour le gagner, c'est très simple. Vous envoyez mer, M-E-R, au 63-22. Dans moins de 5 minutes, il y a un gagnant. Donc allez-y. Mer, M-E-R, au 63-22. C'est un euro par message. Kaufman, quelque chose à rajouter sur ce wave karting? Bah, moi j'ai envie de dire que si vous voulez passer une journée un peu originale, hors des sentiers battus, qui va vous permettre eh bien, de respirer alors que la rentrée approche, qu'on a tous envie de repartir en vacances, bien que nous ne soyons pas partis, mais on a envie de repartir. On a envie quand même. On a envie de repartir, eh bien, venez nous rejoindre pour une journée complètement dingue, une journée de ouf, une journée qui va vous faire. Pensez que vous êtes en vacances parce qu'il y a tout là-bas. Il y a la mer, il y a le sable, il y a les engins motorisés, il y a les moniteurs si vous êtes une femme et que vous avez envie de voir de beaux hommes musclés. Ça va pas, non? Bah, c'est pas avec nous qu'elles vont se régaler. C'est vrai aussi, vous avez raison. C'est vrai. Et puis si vous êtes un homme, bah, vous verrez qu'il y a des filles aussi à la mer quand même. Mais il faut penser à ça, merde. Et il y aura les animateurs aussi de Fun Radio, il y en a des belles animatrices. Attends, on a quand même Audrey qui est là parmi nous. Ah oui. On peut dire tout ça quand même. Donc les animateurs de Fun Radio seront là en plus, c'est bien ça Kaufman, tu confirmes hein? Bah moi je confirme qu'on se débrouillera pour envoyer le maximum d'animateurs de Fun Radio, peut-être la Pior, peut-être nous, peut-être je sais pas moi, on a des surprises pour la rentrée, vous avez même pas idée. Fun Radio plus que jamais crée l'événement en vous envoyant eh bien pour une session de wave karting que vous n'oublierez pas. Envoyez MER MER au 6322. MER au 6322, ça vous fera penser à votre maman, tiens. Oui, c'est vrai. Allez, MER au 6322, on prend un gagnant dans quelques minutes juste après. Môme, Môme dure 3 minutes et 33 secondes. Ça vous laisse le temps d'envoyer MER MER au 6322. Il vous reste très peu de temps. Allez-y, je prends un gagnant juste après Môme sur Fun Radio. Happy Hour revient le 22 août avec toute son équipe. Accrochez-vous parce que ça fait 2 mois qu'ils n'ont plus lâché de conneries. Ça va faire mal. Par contre, il leur faudra des choses plus solides parce qu'ils ramènent avec eux tous les kilos qu'ils ont pris pendant les vacances. Happy Hour sur Fun Radio. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de configurer votre boîte mail? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 59 euros par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous.

D'ici 20h, Zao et MHD arrivent sur Fun Radio. Allez, on se fait plaisir, c'est parti. C'est le moment de découvrir notre gagnant pour les deux places pour aller faire du wave karting. Il y a Simon qui est avec nous. Salut Simon. Salut. Salut Simon. Ça va bien Simon? Bien, bien, oui, oui, bien. Ça va. Et oh. Vous? Oh, oui, ça va, oui. Simon. On est en pleine forme. Tu fais quoi de beau là dans la vie? T'es en vacances? Oui, là, en fait, j'allais aller manger une pizza. Donc, Tu nous appelles d'où Simon? De courrière. Ça se trouve entre Namur et Sinet. Ok, très bien. Bah, parfait. Mais alors, vous, Simon, bonne pizza dans quelques minutes. Alors, Simon, t'as envoyé quoi 6322, dis-moi. J'ai envoyé MER, MER. Très bien, parfait, Simon, on vérifie, t'inquiète pas. Fun Radio Dance. Bravo. Bien joué, Simon. Avec deux places pour aller t'amuser, pour aller faire du wave karting, Simon. Tu vas y aller avec qui, Simon? Ah, chouette, super. Tu vas y aller super. Avec qui? Super. Tu vas y aller avec qui? Avec un pote, hein. Cool. Bah avec une copine c'est bien aussi tu sais. ça dépend de chacun Kaufman. Bah bravo Simon, en tout cas passe une bonne soirée Simon, ok? On prend tes coordonnées en antenne. De rien. Et bravo. Merci beaucoup. Bonne pizza, hein. Prends 4 fromages pour moi, c'est cadeau. Merci Simon. Merci. Bonne soirée. On a encore des places à faire gagner demain. Hein, ah bah ouais, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, hein, puisque demain dans Summer Fun entre 6h et 9h, vous aurez également la possibilité de remporter vos places pour faire du wave karting. Et si vous voulez gagner les pas à la barre, rassurez-vous, on sera là entre 17h et 20h, c'est que du fun chaque jour sur Fun Radio. Et jusqu'à vendredi, ça sera comme ça, mes amis. Oui, merci Kaufman pour tous ces cadeaux. Pour la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Zao et MHD. Après, il y aura Madeleine et les meilleurs moments également de la P.O. Hour avec Audrey. Nous, on se retrouve demain dès 17h. Demain, on est quel jour? Mercredi. Mercredi, c'est quoi mercredi? C'est la glace. Ouais, c'est la glace. C'est le dernier jour pour profiter de la glace Fun Radio. Ça se passe à 18h33, avenue Télémac à Forêt. Venez, c'est vraiment la dernière fois que vous allez pouvoir goûter le goût Fun Radio. Ça se passe demain à 18h. Nous, on se retrouve demain dès 17h. Entre 17h et 20h, c'est que du fun. Bonne soirée, Kaufman. Bonne soirée. Bonne soirée, Laurence. Bisous, David. Bonne soirée, tout le monde. Ciao. Ciao. Plus, bye bye. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. On était avec Mickaël, là, pour ceux qui viennent de se brancher sur Fun Radio. Mickaël qui va être papa dans 6, 7, 8, non, donc 7. 2, 7, 9. Ou peut-être avant. Non, dans 7 mois. T'as vu comment je t'ai laissé dans la merde? Les mathématiques, Non, il va être papa dans 7 mois parce que sa femme est enceinte de 2 mois. Ouais. Mais si on commence à compliquer le bazar, ça va pas aller. Mickaël, t'étais à la recherche d'idées originales pour annoncer la grossesse à tes parents. Hein. Mickaël, j'ai pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, et on a reçu plein de petits messages pour toi pour essayer de t'aider. Il y a d'ailleurs Stéphane qui est là, qui vient de Braine-l'Alleud. Salut Steph. Salut à tous. Ça va bien Stéphane? Ouais, tout va bien, impeccable. Bon, et Stéphane, il paraît que t'as une bonne idée pour Mickaël. Comment il peut faire pour annoncer à ses parents qu'ils vont être grands-parents? Ouais, alors bon, moi j'ai pas d'enfant, mais ce que je trouve génial, ce serait d'emballer une tétine de couleur bleue ou de couleur rose selon le sexe du bébé, et alors d'offrir ça aux parents, je trouve ça super génial. Ah ouais, c'est mignon ça, non? Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est pas waouh quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il faut être waouh pour. Mais Mickaël, il veut un truc waouh, c'est ça. Et t'imagines ta mère dans une crise cardiaque? Filmer leur réaction, ça pourrait être pas mal aussi. Faire quoi? Filmer leur réaction. Ouais, ça c'est la grande mode. Ouais, hein. Tu te mets sur YouTube et tu te fais plein de thunes. Ou alors, ce que tu fais, tu lui dis rien pendant les 9 mois et puis t'apportes le bébé et tu dis voilà, vous êtes grands-parents. Oh, non, ils vont le voir quand même. Non, parce que les grands-parents, ils aiment bien participer au truc, quoi. Enfin, participer au truc, tu vois, c'est juste être là. Tu mets une couche, tu te soulages dedans, tu la déposes chez ta mère et tu fais voilà, bientôt tu vas pouvoir reprendre du service. Vraiment des idées pour Ave, quoi. Moi, j'avais une copine, elle avait mis en fond d'écran, tu vois, genre sur leur téléphone, félicitations mamie, félicitations papy. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'ils se sont jamais rendu compte du bazar. En fait, ça a pris plusieurs semaines avant qu'ils se rendent compte que le fond d'écran avait changé. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être une idée aussi. Hein. Ou tu fais un petit dîner aux chandelles. Non, chandelles, ça va pas pour les grands-parents. Hein. Ouais, je sais pas, moi. Enfin, vous avez pas une autre idée? Un truc sympa, faut qu'on trouve pour Mickaël, les gars. Bah, qu'est-ce qu'on Un tatouage. Quoi? Mais vous allez être grands-parents et tu mets ça sur ton bras, ça te fait. Ouais, et après tu le gommes, quoi. Ouais, c'est comme si tu prends un avion et tu dis vous êtes grands-parents. Mais excusez-moi, mais moi j'essaye de trouver des solutions, trouver des idées sympas. Ou alors dans un Kinder Surprise. Ça, j'ai vu, ça c'est la grande mode. Vous avez vu comment il faut faire? Non. Mickaël, c'est simple, tu dois prendre un Kinder Surprise, tu l'ouvres en deux. Tu mets, mais en fait, tu changes le jouet qu'il y a dans le truc jaune, d'accord? Tu le vires et à la place, tu mets un mot dedans en mettant félicitations, vous avez de grands parents, et tu refermes le chocolat Kinder avec du chocolat blanc. Par contre, comme ça, ça se voit pas. Est-ce que quand t'es grands-parents, enfin quand t'es parents, est-ce que tu ouvres vraiment le truc jaune ou pas? Bah, tu peux. Jamais non, mais de la sinon. Ouais, mais si, hein, tu l'incites à le faire. Tu fais, hey, mamie, t'as pas vu maman, il y avait un cadeau dans le bazar. Et puis voilà, tu vois. Paf, ah ouais. Ça fait une surprise. Ouais, ça peut être original. Bon, Mickaël, excuse-moi, mais là, on a donné tout ce qu'on avait là. Nous, les enfants, c'est pas pour voilà, nous. On a essayé de te trouver une idée. Tu nous diras comment tu t'y es pris au final, hein, d'accord? Ouais, ouais, pas de problème. Ma copine m'avait donné une idée aussi, donc je vais voir. Ah non, mais là, c'est la manière gentille de dire qu'on t'a donné des idées de merde, en fait, c'est ça. Elle t'avait donné quoi comme idée, ton amoureuse? De leur passer un coup de fil. D'offrir à mes parents un saut au parachute. Ouais. Et quand on fait sur une banderole où ce serait noté, vous êtes grands-parents. Quoi. Vous êtes grands-parents. C'est original. Oh là, et t'imagines, genre, non, je veux pas descendre, je veux remonter. Je crois que ta copine veut l'héritage en premier. Eh ben, Mickaël, quoi que tu choisisses, en tout cas, félicitations à vous deux. Et tu nous enverras des petites photos quand il sera là, le petit bout, d'accord? Avec grand plaisir. Eh ben, on fait comme ça. Gros bisous, Mickaël. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Here we go. Nouveau tube. Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. We met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night, and I'll hold you tight in the golden light, in the golden light. Cet été, Fun Radio a booké les meilleurs DJ dance électro. C'est Party Fun sur Fun Radio. J'espère que vous avez passé un bon mardi avec Fun Radio. Vous entrez dans Party Fun. Je m'appelle JB, en face de moi c'est notre DJ préférée. Elle est belle, elle s'est très bien mixée. Elle va mixer pour vous jusqu'à minuit tous vos tubes préférés et des nouveautés aussi à découvrir ce soir. Maeva Carter. Maeva Carter, dans un instant elle va vous mettre le nouveau morceau de Tujamo, The Parakeet, un morceau mais qui est énorme tout simplement. Et tout de suite Sound of Legend. 20h, vous écoutez Party Fun pendant vos vacances sur Fun Radio.